Cette scène, où les deux amis se disaient crûment leurs moindres pensées sans prendre de détour dans l'expression, avait lieu précisément au retour de la halle, où Lisbeth était allée préparer les éléments d'un dîner fin. Marneffe, qui convoitait la place de Monsieur Coquet, le recevait avec la vertueuse Madame Coquet, et Valérie espérait faire traiter de la démission du chef de bureau par Hulot le soir même. Lisbeth s'habillait pour se rendre chez la baronne, où elle dînait. « Tu nous reviendras pour servir le thé, ma bête !» dit Valérie. « Je l'espère. »« Comment tu l'espères ? En serais-tu venue accoucher avec Adeline pour boire ses larmes pendant qu'elle dort ?»« Si cela se pouvait, » répondit Lisbeth en riant, « je ne dirais pas non. Elle expie son bonheur. Je suis heureuse. Je me souviens de mon enfance. Chacun son tour. Elle sera dans la boue, et moi, je serai comtesse de Pforzheim. » Lisbeth se dirigea vers la rue Plumet, où elle allait depuis quelque temps comme on va au spectacle pour s'y repaître d'émotions.